Le véhicule gris arrive sur ma gauche. Son conducteur doit me céder le passage. Sa visibilité est cependant masquée par les véhicules en stationnement à gauche. Son conducteur ne me voit sans doute pas et les appels lumineux seraient certainement inutiles. Mais le risque d'accident existe. Je klaxonne et je freine progressivement si possible afin de ne pas surprendre l'usager qui me suit de près. Réponse B et C.